l'identité me donne le la. Plus Chanel que Chanel, je rejoins la clique de ceux qui cassent pour faire partie du panel féminin. Même si c'est avec le deuxième sexe que je fais le coquin. Homme à femme devient une dame comme un pion aux échecs. Ce chemin est une ligne droite, il n'est pas de traverse. Viril comme Usain Bolt, féminisé par Toulouse-Lautrec. Style Moulin Rouge adopté aux entraîneuses. En remontée, car même si je les aime, c'est moi la plus chaude. Je suis la plus chaude, la plus chaude. Je suis la plus chaude, la plus chaude. Autour de la piste, tu te crois de celles qui font ramper les mecs alors que tu n'es qu'une rampe. De lancement, starting block pour Marie-José Pérec. Tu ne chopes que des vieux Zaladéric. Tu es à la dérive comme un radeau vertical. Comme moi je suis la plus chaude alors que je suis un mâle. Je suis la plus chaude, la plus chaude. Je suis la plus chaude, la plus chaude. Je suis la plus chaude, la plus chaude. Je suis la plus chaude, la plus chaude. La plus chaude. Chaude. Homme à femme devient une dame comme un pion aux échecs. Il ne manque pas une case, même dans l'hétérosexualité. La masculinité et la féminité ne sont que des options comme dans une caisse tunée. Et moi même si j'ai la clim, je suis la plus chaude. Je fais fondre les radars, tu n'as plus de repères, tu. Attends ce que dit la hype, je suis le pimp et la reine. Mais je ne me crache pas car ma batterie est chargée. Je suis la plus chaude, la plus chaude. Je suis la plus chaude, la plus chaude. Je suis la plus chaude, la plus chaude. Je suis. Ça peut prendre toute la partie. Pour arriver au bout de la piste, mais sans hystérie. C'est le chemin chéri, soit viril et chaude. Soit viril et chaude, moi je suis la plus chaude. Soit viril et chaude, moi je suis la plus chaude. Je suis la plus chaude, la plus chaude.